L'attelage de mon esprit s'ouvre sans limite, apaise le courroux dans l'onde de la nuit. Contraire du blâme, c'est un silence d'esprit. Ton regard fuyant, évitant le mien, d'un coup d'œil furtif, comme un aigle royal cherchant son âme sœur pour la chérir. Un son, une image. La nuit, le noir. La nuit, le noir. Le noir. Les forces de la troupe de la Croix-Rouge.